passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Allez, allez, let's go! Rail Suprême. Deux heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Allez, allez. Thank you.

J'ai la tête dans les nuages. J'ai envie de prendre de l'âge. J'ai la tête dans les nuages. J'ai envie de prendre de l'âge. J'suis en mode Emirates Fly. Marseille s'est chaud mais le gilet par balle. Petit cigare chapeau paille. Vert de rosé, ah j'suis d'ail. Elle a du style aïe aïe aïe. Elle fait trembler les vilaines canailles. Benga benga mi amo. Pina colada chicha man si señor. Ouai ouai ouai bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. Yeah. Tu es dans ta paranoïa. Je suis dans mon Panamera. Mais Harvey on trop swag. Antonio Banderas. Akhaya le SS. Cache le iPhone 6S. J'ai de la fraîche. Benga benga mi ama. Pina colada chicha man si signa. Ouai ouai ouai bouge ton corps. Chemise ouverte Rolex en or. C'est la vida vida vida vida vida vida vida vida loca. C'est la vida vida vida vida vida vida vida vida loca. C'est la vida vida vida vida vida vida vida vida loca. L'Algerino number one. La classe internationale. Se prend pour Rihanna. Elle ressemble à Biyuna. Venga, venga, mi ama. Pina colada, chicha, man, si, signa. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. Vite! Vite! Vite! J'ai dit vite! C'est Végétal Ice Rock Supreme. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Le plus aimé de toutes, ce n'est pas un mystère. Moi, tu follow me. Caisse claire. Tu fais la meuf exemplaire devant tes frères. Quand tu casses ta démarche, on a mal au vaussaire. Tu fais la meuf droite et perpendiculaire. Et quand je t'amène à l'hôtel, tu dis tu vas rien faire. Je bossais ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. Je fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. Je vais les laisser dans le déni, car ce soir je suis dans mon délire. Ouais, ça, ça devient terrible. Je parle pas trop de folie, mais mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Appelle-moi en showcase pour ta soirée, je la pine. Comme corniche, allez, retourne-moi, je suis dans ma piscine. Yeah. T'es pas ta belle, on tient la in-in. Bouffée de chaleur dans la rue, je fais mettre la clim-clim. Je suis avec Blanca à casa, c'est la dream team. وش يبقى خاوي كنتي وهيا يا يا كي وليتي وهوا صوري صوري كابا نعطولي طانو لك رحمة قاري خلي العديان يقولو لحبوني الباري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو صوري صوري كابا نعطولي طانو لك رحمة Phénomène, ça va toujours les gars. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon cœur s'en vient en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. Télécharge sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous. Fais lever la foule, bouge ton bassin sur l'épaule. C'est comme ça chez nous, je te donnerai bien mon phone. Mais ton père me regarde chelou. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Puis t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la diff. Oh mon danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui c'est bon, fais ta if. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au matos, t'es gentil, t'as la bimille. Non bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris, yeah, yeah. Me fais pas croire que t'es fatigué. Qu'ils sont platines, t'as pas l'idée. Du gros son, c'est les holidays. On arrive, tu veux pas rier. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y repars l'or, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins pour les 11 préfèrent rouler ma bain. J'suis marié à la cité, la vie est plus belle à deux. Des carrières m'a dit Nina, y'a R. Mon plus gros, y'a nous et y'a eux. Paris c'est comme une nuque ou oscarisé. J'vais les traumatiser, dans la tête, lumière tamisée. J'arrive à viser, prends mes bracelets, gris métallisé. Lyrics majeur, public avisé. Est-ce qu'est tapiné, surtout validé. Y'a qu'à Disney, que les rats sont animés. Tout est noir dans mon calumet. Rafale de AK pour l'allumer. Minuit, 2h, Rise Suprême. C'est Rise Suprême sur Skyrock. General KLH pour ton salut. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparle. J'avalerai pas leur couleur. Faut que le matin pour les rouges préfère rouler ma veste. J'suis marié à la cité. La vie est plus belle à deux. Mais derrière ma vie, Nina, y'a R. Mon plus gros, y'a nous et y'a eux. J'me sens, y'a eux, j'me sens. Baby, come up and dance to me. Fun after fun to date. Round and round, we met to train. This do my thing. Rise Suprême. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Skyrock.

Skyrock. iPhone goes ping ping. Rail suprême. Minuit, 2h. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Got money in the bank like ching ching. And I shine like bling bling. Blow. I want not down any kingpin. Yeah. So don't start me up like an engine. I'm a Skyrock. I go overboard, kick flip. Yeah, I'll be in the cup, slip slip. Sitting back from my cup like sip sip. My bars bang, yours click click. I'm eating like I'm at a picnic. Got too much mouth, big lip. Got too much mouth, big lip. Got too much mouth, got too much mouth. Got too much mouth, got blah. Les moyens, cherche un mec pour t'assumer. Il te faut ton mic, alors c'est tes UV. À mon délire, je crois que je me sauverai. Par le genre de mec à me faire michetonner. Amsterdam, enchaîne les coffees, j'en fais les boîtes à Amsterdam. Les vitrines et les excès, bien vu à Amsterdam. Elle veut quitter Paris sans jaillir à Amsterdam. S'évader et planer toute la night. Dimanche, c'est qu'un démon général. Tu fais la Shakira sur les réseaux sociaux alors que t'es pas potable. Pas de limite ce soir, laisse ton mec au vestiaire et kiffe comme un meda. Elle fait la Madonna, t'es sur le teco, tu fais le héros. Les potos, je te dis, tu

Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. take your broom and sweep my yard. You better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. You have all day and night. I had to satisfy, so you better do it right. I left the city. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. Skyrock.

Skyrock. Para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você. Seja morena ou loira, vem balançar futuro. a meu lado. Quem vai ficar parado? Quero ver mexer tudo. Balança que é uma loucura. Morena, vem a meu lado. Quem vai ficar parado? Oi, oi, oi. Feeling